Les rassemblements pour féliciter l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti travail de Corée ont eu lieu du 12 au 16 courant en Biélorussie, en Autriche et en Guinée, en présence des personnalités et des habitants de divers milieux. Les orateurs ont indiqué que son élection à la magistrature suprême du Parti coréen est l'expression du soutien et de la confiance absolue de tous les militants du Parti et du peuple coréen envers lui, avant de souligner que le Parti du Travail et le peuple de Corée connaîtront toujours la victoire et la gloire sous sa direction.